Acte chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 41. Donc, on se retrouve à la Pentecôte, le premier discours chrétien de l'apôtre Pierre, en fait. Puis, surtout, on va regarder les résultats ce matin. Qu'est-ce qui s'est produit avec les gens qui se sont convertis? Acte 2, à partir du verset 41. On va parler donc les pratiques de la première assemblée chrétienne. À quoi ça ressemblait, les réunions? Quel était le contenu? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Puis on va se laisser inspirer par cela. Acte 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, essayez de vous imaginer ce matin si on est un groupe, on vient de se convertir au Seigneur Jésus. Et donc, on commence à se réunir, puis on se dit, mais ça ressemble à quoi les réunions des croyants? Quand les croyants se retrouvent ensemble, c'est quoi qu'ils font? C'est quoi le contenu des assemblées? Et bon, on pourrait regarder autour de nous qu'est-ce que le monde fait en général, les rassemblements de toutes sortes. Est-ce qu'on fait des choses plus accent administratif ou des choses plus émotionnelles, comme il y a certains qui font dans le monde? Je pense que la clé, la solution, ce serait de toujours retourner à l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu, lui, a prévu pour nous? Et des fois, c'est possible qu'à première vue, on regarde certaines choses puis on se dit, « Ouais, c'est-tu vraiment encore bon pour nous aujourd'hui? » C'était peut-être des choses bonnes pour l'époque. Hein? On peut penser comme ça. Est-ce que c'est pertinent encore aujourd'hui? Et la réponse qu'on va donner ce matin, c'est Dieu ne se trompe pas, Dieu ne s'est pas trompé dans sa parole, et ce qu'il nous invite lui-même à faire dans nos assemblées, c'est ce qui est juste, sain, parfait, idéal pour nous. Alors, on veut juste revenir à la source, revenir à la base et se rappeler certains fondements. Donc, on s'entend, c'est le premier discours, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Et on s'entend immédiatement, donc, après leur conversion, les premiers chrétiens ont formé un corps, une famille. Ils étaient unis. Ils étaient une église. Alors, l'idée de rassemblement, puis Jésus l'avait dit, « Je bâtirai mon église. » Le Seigneur ne veut pas de chrétiens Robinson Crusoe, chacun sur son île. Non, il veut qu'on forme un corps. Il veut des rassemblements. Donc, on s'entend. Au centre de leur vie, il y avait des rassemblements. Parce qu'on peut dire, oui, il y a l'Église, mais moi, je fais partie de l'Église universelle. Oui, on fait partie de l'Église universelle, c'est-à-dire de tous les croyants, de tous les lieux, puis de tous les âges, absolument. Mais le Seigneur veut quelque chose de concret aussi, donc des rassemblements locaux, et ces gens-là se sont rassemblés. Et il y a là quatre pratiques vraiment fondamentale. On nous dit au verset 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les fractions du pain, la fraction du pain et les prières. Il y a d'autres éléments qu'on retrouve ailleurs dans les Écritures. Il y avait des offrandes, puis d'ailleurs un petit peu plus loin dans le même texte, on nous dit qu'ils avaient tout en commun, donc cette idée de générosité, de donner des sous, de prendre soin des uns des autres. C'était là, c'est là dans le livre des Actes, c'est là dans 1 Corinthiens. Donc, il y a d'autres éléments. Vous allez dire peut-être, ouais, il y a le chant aussi, puis c'est pas ici. Bon, peut-être ça faisait partie des prières, parce que les chants, à la base, c'est une forme de prière. On voit dans 1 Corinthiens aussi que les croyants, quand ils étaient ensemble, ils semblaient avoir quelque chose d'un petit peu plus libre, des fois spontané, où chacun parlait, quelqu'un amenait une prophétie, langue, interprétation. On voit ça en 1 Corinthiens 12 à 14, là, vous rappelez. Mais je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent se greffer autour, mais en quelque part, ça doit revenir avec ces quatre fondamentaux qu'on a ici, se rattacher à cela. Donc, on va insister ce matin sur les quatre activités, quatre pratiques fondamentales de la première assemblée chrétienne. Le plan va être simple ici dans le texte qu'on va faire. D'abord, on va regarder le fondement. En d'autres mots, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces croyants sont arrivés là? Ils auraient pu se convertir, partir chacun chez eux, puis vivre leur relation personnelle avec Jésus, mais ils ont vécu en assemblée, en unité, ils ont persévéré là-dedans et ils se sont attachés à certaines activités. Qu'est-ce qui, à la base, les a motivés? On veut se poser la question. Dans un deuxième temps, on va les regarder une par une, ces quatre activités, voir leur importance, leur signification. Puis, troisièmement, l'impact, parce que ça termine qu'il y a eu un impact autour. Le fait qu'ils ont pratiqué ce que Dieu voulait, leur vie en communauté, en Église, a eu un impact autour. Trois impacts dans le texte. D'abord, regardons le fondement. En fait, il est simple. Qu'est-ce qui s'est produit chez ces gens-là qui étaient de différentes places? Ils arrivent à Jérusalem, on connaît, acte 2, hein, c'est la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Donc, il y avait des Juifs, des prosélytes de toutes sortes de nations. Ils arrivent à Jérusalem parce qu'ils devaient se présenter là. Et ils entendent un discours de Pierre. En fait, c'est simple. Il y a deux choses. Hein. Peut-être le point suivant, si on veut le mettre à l'écran. C'est, ça part d'un discours de Pierre, un long discours. Et eux, à partir de ce discours, ils vivent, ils comprennent quelque chose. Puis ça, c'est le commencement de tout ce qui va se produire par la suite. Il faut absolument comprendre ça, parce qu'on ne fait pas des activités juste pour des activités là, dans l'Église. On se réunit parce qu'il faut se réunir, parce que c'est le devoir du chrétien. Ces gens-là ont entendu un message évangélique, ont été profondément touchés, se sont convertis, ont saisi qui était Jésus, se sont donnés à Jésus, ont été baptisés. Et après avoir vu leurs yeux ouverts, comprendre comment Jésus était grand, précieux, central, bien, motivé par un cœur comme cela, c'est dans cette attitude, cette disposition qu'ils se réunissaient, qu'ils pratiquaient ces activités, qu'ils étaient unis, un cœur débordant de joie, puis qu'ils persévéraient, mais ça part de cela. Donc, je veux juste, parce qu'on ne peut pas lire tout le discours, mais je veux juste peut-être mettre l'aspect sur un point, mettre l'accent, pardon, sur un point, au verset 22. Regardez le discours de Pierre à ce groupe-là. Il dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez. » Alors, on connaît l'histoire, les disciples, les 120 étaient dans une chambre haute. Tout à coup, il y a un bruit comme le bruit d'un vent impétueux qui remplit la salle. Il y a des langues de feu, des flammes de feu qui se posent sur chacun d'eux. Ils se mettent à parler en langue. Donc, il y a un bruit, au bruit, plein de gens s'approchent. Et là, Pierre prend la parole puis il leur parle. Et il y avait minimum 3000 personnes qui écoutaient, parce qu'il y en a 3000 qui se sont convertis. Et il leur parle de Jésus, puis il dit, « Tu sais, je pourrais vous parler, commencer par la Genèse, puis vous raconter plein d'histoires, mais en fait, là, il y a une chose que vous devez comprendre. Jésus, et vous le savez, c'est ce qu'il dit aux Juifs, c'est de votre époque, c'est de votre temps, ça faisait même pas 40 jours, que Jésus était mort, ressuscité, tout ça, parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque juive. Donc, il dit, ce Jésus-là, vous vous rappelez? Dieu était derrière lui. Et Dieu a manifesté qu'il était avec lui par les miracles puissants qu'il a faits. Deux, ce Jésus est mort. Vous l'avez fait mourir. Mais Dieu était encore derrière lui parce qu'il dit, si Jésus est mort, c'est selon le plan, le dessein arrêté de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Mais vous l'avez fait mourir. Et il dit ensuite, Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus-là, Dieu était derrière lui et il l'a ressuscité, puis Dieu l'a élevé par sa droite. Il l'a élevé à sa droite, mais aussi par sa droite, c'est-à-dire par sa puissance. En d'autres mots, ce Jésus que vous avez vu, connu, vous avez entendu ses discours, vous avez vu ses miracles, sa puissance, vous l'avez fait mourir, bien, c'était le Messie que Dieu avait prévu pour vous. Vous l'avez rejeté, vous vous y êtes opposé, vous vous êtes opposé à Dieu. Ça, c'est le centre du discours. Mais Dieu l'a élevé, et si vous voyez tous ses dons aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est répandu, bien, c'est parce que Dieu l'a mis, l'a élevé à sa droite, par sa droite, et il a donné maintenant le Saint-Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. Et ça nous dit que, comment ils ont réagi en entendant ce discours? Et je vous en fais vraiment un résumé. Quand ils entendirent ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et là, ils se sont tournés vers les apôtres et ils ont dit, « Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? » On se rend compte qu'on a péché contre le Seigneur Jésus, on a rejeté le Messie. « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et donc, ils sont des chercheurs maintenant, ouverts. « Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. » Et là, Pierre leur dit, « Ben, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Repentez-vous. » Repentez-vous de quoi? De tous vos péchés? Oui, peut-être. Mais d'abord et avant tout, repentez-vous de ce que, de votre mauvaise compréhension. Vous n'avez tellement pas compris le plan de Dieu, vous vous y êtes opposé, c'est contre Jésus. Repentez-vous de votre vision, de votre compréhension de Jésus. C'est par rapport à Jésus, la repentance. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Et là, on nous dit, ces gens-là ont accepté la parole. Ceux qui acceptèrent sa parole, ils ont été baptisés tout de suite pour s'associer à Jésus, s'associer comme peuple de Dieu. C'est le rite d'initiation. Et donc, par la suite, ben voilà les activités. Ces gens-là ont formé un corps, une église, et persévérait dans ses activités, dans ses réunions, dans les rassemblements, dans une vie communautaire. Mais d'abord et avant tout, vous comprenez, c'est une question d'avoir rencontré Jésus. S'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, là, c'est parce que les apôtres parlaient de Jésus. Puis leur cœur avait été allumé, leurs yeux avaient été ouverts, ils avaient saisi qui était Jésus. Jésus est extraordinaire, merveilleux, c'est le sauveur promis de tout ça. Alors, ben oui, on veut entendre les apôtres. Parlez-nous de Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Parlez-nous de Jésus. S'ils se sont fait baptiser, ce n'était pas juste un trip en disant, ah, c'est le fun, prendre un bain. Non, parce que le baptême, c'est m'associer à Jésus. Comme Jésus est mort, ben je suis mort avec lui en croyant en lui. Et donc, d'être dans l'eau, c'est ce que ça signifie, de sortir de l'eau, c'est une résurrection, une nouvelle vie, comme Jésus est ressuscité, puis que sa résurrection est ma résurrection, c'est ma vie. Dorénavant, je veux vivre pour lui. Et la communion fraternelle, c'était quoi? Simplement d'avoir du plaisir ensemble? Non! Parce que celui qui est à côté de moi, il a vécu la même expérience, lui aussi a rencontré Jésus, sa vie a été bouleversée, il vivait pour plein de choses avant. Il a rencontré Jésus, il aime Jésus. Hey, c'est le fun, on parle ensemble, on est liés. La communion, une commune, union. Il y a un lien extraordinaire entre nous. Alors, tu es mon frère maintenant, à cause de Jésus. Et la fraction du pain, ben, si il prenait le repas du Seigneur, c'est clairement, Jésus a dit, faites ces choses en mémoire de moi, il avait rencontré Jésus, une expérience extraordinaire. Puis donc, à chaque ou à peu près rassemblement, il prenait le repas du Seigneur en fixant encore les regards sur Jésus, en se rappelant ce que Jésus avait fait pour eux. Extraordinaire. Et les prières, bien, quand on comprend qui est Jésus, maintenant la voie qui nous a ouverte, on a accès au trône de la grâce, bien, on utilise ce privilège, cette nouvelle position qu'on a comme enfant de Dieu, comme frère de Jésus, pour aller en sa présence puis lui faire part de tous nos besoins puis prier pour l'avancement du royaume, parce que c'est Jésus. Alors, j'amène ça pour dire, c'est facile de venir semaine après semaine à l'Église, pratiquer des activités semaine après semaine, mais si on perd de vue que c'est parce qu'on a rencontré Jésus, c'est parce que Jésus, c'est ma vie, c'est mon espérance, parce que Jésus, c'est celui qui est mon sauveur, que je veux connaître, découvrir, ressembler. Si je perds ça de vue, toutes les autres activités pratiques, ça perd de leur sens, complètement. Donc, quand on regarde au départ, c'est quoi les fondements de ces activités-là? Bien, la réponse, c'est toujours celle que moi je donne, vous commencez à me connaître, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un monde, frères et sœurs, entre la routine et la passion. La routine, on fait les choses parce qu'il faut faire les choses. Tu demandes à quelqu'un qui fait une routine, pourquoi tu le fais? Il va dire, parce que. Hein? Parce que. Il n'y a pas grand réponse, on le fait parce que ça fait des années que je le fais, puis je continue à faire ce que je fais. La passion, pourquoi tu fais ça? Hey, j'aime Jésus. Je veux entendre parler de Jésus, je veux de l'enseignement. Le repas du Seigneur me ramène à Jésus. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, puis je veux m'abreuver, me saisir de qui il est, prendre des provisions qui sont en lui, me réjouir avec mes frères et sœurs à cause de Jésus. Il y a un monde entre la routine et la passion. Est-ce que votre vie chrétienne va? Les rassemblements, c'est juste une routine. Ça devient lourd, pesant. On vient parce qu'il faut venir, parce que qu'est-ce que les gens vont dire si on ne vient pas? Ou même comme parents, on vient parce que il faut donner l'exemple à nos enfants. Hein? De grâce. On est appelé à beaucoup plus que ça. À beaucoup mieux que cela. Il y a un monde entre la persévérance et le formalisme. Il persévérait. Vous avez vu le petit mot? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Il persévérait. En fait, ce n'était pas juste quelque chose d'impulsif. Il y a des gens, dans la parabole du semeur, par exemple, ils entendent la parole, puis ils reçoivent aussitôt avec joie, puis dès qu'arrive une tribulation, ils laissent tout tomber. Hein? Quelqu'un d'impulsif, il entend de quoi, il tripe, il dit « Ah, yes », puis il embarque, puis ça ne tient pas la route. Eux, ils persévéraient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui avait été changé, une orientation nouvelle, une nouvelle direction de vie qui n'était pas juste spontanée. Vous vous êtes sûrement fait dire ça quand vous vous êtes converti. Moi, je me le suis fait dire. Ah, un autre trip. Ah, laissez-le aller. Puis, dans une couple de mois, il va être passé à d'autres choses. On le connaît, sa vie. Hein? Ben après... Je me suis converti en 80, ça veut dire 39. Après 39 ans, ben, le trip est encore là. Pourquoi? Ben, parce que j'ai rencontré Jésus. Et il y a un monde entre la persévérance, parce que dans la Bible, la persévérance, oui, il y a un côté humain, où des fois le mot implique que c'est difficile, il y a des obstacles, donc je dois persévérer. Et il y a une partie qui est humaine où je choisis, je décide, je mets ma volonté, puis je continue. Mais derrière la persévérance, il y a toujours aussi une œuvre divine. Pourquoi on persévère? Parce que Dieu crée en nous quelque chose. Et donc, si on est encore là aujourd'hui après X années, ben c'est parce que Dieu a conservé ce désir, a continué à nous montrer qui est Jésus, à développer en nous, renouveler notre intelligence, nous affermir. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un monde entre le formalisme, où on fait les choses pour la forme, et une persévérance qui vient d'un cœur d'un Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est deux choses très différentes. Vous savez, le fait de vivre en Église, ce n'est pas simplement un espèce de mécanisme ou de, comment je dirais, ce n'est pas simplement quelque chose qui est humain. Vous avez vu comme fou le verset 47? Ça nous dit ceci. Et le Seigneur ajoutait, attends un petit peu, le Seigneur ajoutait. Je regarde ça d'un côté, Pierre prêche, les personnes qui sont là entendent, trouvent que ça a bien de l'allure, ont le cœur touché, choisissent de se repentir et se font baptiser, s'assemblent comme église, puis font différentes activités. Tu peux regarder ça et dire, bon, c'est un point de vue humain, c'est correct, c'est comme ça. Mais tu regardes ça de l'autre côté, puis ça nous dit, attention, ce n'est pas un mouvement humain seulement. C'est le Seigneur qui agissait, convertissait, convainquait, touchait les cœurs, dévoilait qui était Jésus, et le Seigneur donnait une conviction dans le cœur, un besoin, une nouvelle direction de vie où les gens, le Seigneur ajoutait lui-même à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Regardons les pratiques. Donc, ce monde-là, ces croyants-là, ces pratiquants, en passant, les gens vous disent ça des fois, « Ouais, ouais, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Si je te dis, il y a une bombe ici, oui, je le crois, mais moi, je ne suis pas pratiquant. Je reste ici. Voyons, tu le crois? Si tu le crois, tu pratiques. Ça change quoi, de quoi dans ta vie, pas vrai? Mais ces gens-là, je vais les appeler les pratiquants, parce que je trouve que c'est un beau mot. Les pratiques. Kevin DeYoung disait ceci concernant ses activités de l'Église. Il dit, ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, dans cette description, il dit, c'est le fait que ce sont des choses bien ordinaires. Les croyants se réunissent, la puissance de Dieu, ils ont le Saint-Esprit maintenant, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se font enseigner, prennent leur pas du Seigneur, ont de la communion fraternelle, et il m'en manque un, ils font des prières. C'est pas, ils ne pourraient pas avoir un petit peu plus de, je sais pas, mouvement, de quoi de plus trippant, plus éclatant. Et j'ai aimé la description de Kevin DeYoung. Il dit ce qui est le plus extraordinaire, c'est le fait que ce sont des choses ordinaires qui sont là. Les activités ou les pratiques, OK? Je vais quand même mentionner au verset 41 le baptême. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole, donc dès le départ, ils acceptent sa parole, ils furent baptisés. C'est pas dans les quatre, mais je veux quand même le souligner en passant. Le baptême est vraiment le rite d'initiation, d'introduction. C'est un acte symbolique par lequel tu mentionnes aux gens autour de toi que maintenant tu es uni à Jésus et que tu es uni avec son peuple. En fait, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de personnes qui ont cru puis qui n'ont pas été baptisées, sauf le larron. Mais c'est parce qu'il est mort avant qu'il puisse le faire. Mais chez les autres, c'était une marque normale. Et des fois, le baptême est un peu négligé, je dirais, pour différentes raisons, mais une de celles-là, c'est que on l'a remplacé par pas mal de choses. On fait une réunion d'évangélisation. Si on avait été comme Pierre, on aurait dit, ceux qui veulent croire, ceux qui veulent se repentir, ceux qui sont prêts, venez, puis soyez baptisés. Nous, on dit non, non, non, non. Si vous êtes prêts, avancez. Avancez en avant. Donc, on fait avancer les personnes avec une belle petite musique douce. Puis on dit, yes, c'est la façon dont ils manifestent qu'ils ont accepté Jésus. Ou encore, il y en a, on fait remplir une petite carte, là, puis ils disent, OK, hey, on a eu 30 nouvelles personnes qui se sont ajoutées parce qu'il y en a 30 qui ont signé des cartes. Ou encore faire la prière avec nous. Alors, levez-vous, puis priez avec moi. Puis là, on a un qui a les yeux ouverts, il compte combien il y en a qui ont accepté le Seigneur, puis tout ça. Et donc, on a remplacé. Mais le baptême, à la base, était le moyen de manifester que oui, je crois au Seigneur Jésus, je me repens, je veux le suivre. Je comprends qu'on il y a une réserve à avoir un baptême immédiat, rapide, parce qu'on veut s'assurer que les gens ont bien compris. Alors, donc, je ne voudrais pas nécessairement réintroduire un baptême immédiat sur le champ à l'instant où on prêche. D'avoir un minimum de pouvoir vérifier que les gens ont bien compris l'Évangile, se sont réellement repentis, entendre leur profession de foi. Mais je pense que des fois, on va à l'autre extrême où ça prend 2 ans, 3 ans, puis il faut quasiment que la personne aille son bac en théologie, être sûre qu'elle a tout compris, puis elle a tout réglé les péchés de sa vie de A à Z. Puis même là, on doute encore. Puis, alors, des fois, on va dans l'autre extrême. Mais ce que ça l'amène, c'est que des fois, il y a des longues périodes où quelqu'un a vraiment cru, a accepté et n'est pas baptisé. Puis, si vous remarquez dans l'Écriture, le commandement de baptiser, il est donné à nous, à l'Église, à ceux qui sont vraiment des disciples. Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les ». Donc, enseigner sur le baptême, insister sur le baptême, encourager les gens à être baptisés. Et avec grâce, avec amour, en comprenant que ça peut être un défi pour certaines personnes. Puis l'idée, ce n'est pas de mettre des poids, c'est de les accompagner, puis de les aider à saisir, puis à saisir le plan de Dieu pour leur vie. Mais j'amène ça en disant, ben, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, 3000 qui ont été baptisées, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ça devait être un bon défi, baptiser 3000 personnes dans la même journée, mais c'était quand même là, c'était quand même important. Donc, première des 4 pratiques, l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, verset 42, dans l'enseignement des apôtres. Première chose qui est mentionnée. Puis, d'ailleurs, Jésus l'avait dit. En fait, partons de Jésus. Jésus, quand il était sur cette terre, il a pris beaucoup de temps pour enseigner. Il était un enseignant. Il dit, l'homme, l'être humain, là, ce qu'il a besoin, c'est d'être enseigné, renouvelé dans son intelligence, dans ses valeurs, dans la direction de sa vie, comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Jésus a enseigné les disciples. Quand il est mort, il est ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enseignés. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est clair qu'une des premières choses que les apôtres ont faites, c'est qu'ils enseignaient. Mais on le présente ici du point de vue des disciples. Ce sont les disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ça veut dire qu'un disciple, à l'époque, qu'est-ce qui a fait en sorte que lui, il venait jour après jour, parce qu'il se réunissait chaque jour, puis il dit, moi, je veux entendre parler, je veux mieux comprendre. Pourquoi? Ben, parce qu'il avait rencontré Jésus, parce qu'il s'est dit, hey, j'ai tellement d'erreurs dans ma tête que avant qu'on commence à m'enseigner, Jésus, je l'avais rejeté, je m'y étais opposé, je cherchais d'une façon tout croche ce que je pensais être Dieu. Je me trompe moi-même, alors j'ai besoin d'être enseigné. Puis j'ai besoin de persévérer parce qu'il y a encore, même si je grandis puis j'apprends, il y a encore des erreurs en dedans de moi. Puis même des fois, si on m'enseigne, ça ne rentre pas tout de suite. Il faut répéter ces choses-là. Pierre dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Donc, les premiers disciples étaient enseignés, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient ensuite dans la communion fraternelle, toujours verset 42, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, koinonia. J'ai déjà entendu que quand on se réunit comme Église, la communion fraternelle, c'est avant la réunion. Donc, si vous arrivez 15-20 minutes avant, vous allez avoir de la communion fraternelle, on parle ensemble, on rit, on parle de Dieu, on peut prier. Communion fraternelle. Oh, là ensuite, c'est la réunion. Et si vous voulez avoir de la communion fraternelle, ben c'est après. Et je pense qu'on se trompe. C'est pas vrai. C'est la communion fraternelle, je dirais, c'est d'abord et avant tout une disposition de cœur, un sentiment de lien, d'appartenance profond, une commune union. Je vois mon épouse, On a quelque chose de commun. On est liés. Il y a un lien. Et quand on est en train d'écouter un sermon ensemble, on est liés. On a une union commune. On a tous un même cœur, une même disposition. On est tous dans la même direction. Quand on prend le repas du Seigneur, ça signifie notre unité, notre communion ensemble. Même le mot communion, il est employé pour parler de notre communion avec Dieu dans l'Écriture. Donc, c'est le lien. On a ce lien-là. Il est objectif, c'est-à-dire, selon l'Écriture, on est lié d'une manière ou d'une autre. Mais il y a plus que ça. C'est à peu près comme quand tu t'en vas dans un autre pays, puis tout à coup, tu rencontres un Québécois. Il y a quelque chose, tu vas le voir, puis on dit, t'es qui, puis tu viens d'où, puis il y a un lien qui est là. Mais ça, c'est minime comparativement au lien qui nous unit, nous, comme croyants. On devrait, là, quand je rencontre un croyant, là, avoir en partant un sentiment d'appartenance, de connexion avec lui, d'unité profonde qui est là. Mais ça ne s'arrête pas juste au niveau des sentiments, ça se manifeste par des actions par la suite. Parce qu'ils avaient tout en commun, eux, et là on comprend que c'était très circonstanciel parce qu'ils étaient à Jérusalem, ils venaient d'un peu partout, il fallait qu'ils survivent. Alors ils se sont donné des moyens de prendre soin les uns des autres. Ils vendaient, ceux qui étaient de Jérusalem, des terrains, des maisons, donnaient l'argent, puis on distribuait, on prenait soin les uns des autres. Alors cette communion se manifeste de différentes façons, où je prie avec mon frère, où je vais chez lui pour donner un coup de main, ou tout ça. Alors oui, ça se manifeste, mais d'abord et avant tout, c'est un sentiment. Sentiment ou encore une compréhension, une disposition profonde d'unité. Vous connaissez le chant « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. » Nous mettons en commun, il y a un autre couplet avant, « Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. » Cette unité n'est pas basée sur la race. C'est pour ça que je ne suis pas nécessairement très chaud à l'idée d'avoir une église d'Haïtiens. D'Africains, une église de Québécois, une église de jeunes, une église de vieux, où on dit, il me semble qu'on va mieux se comprendre entre nous. Ce qui fait qu'on se comprend, ce n'est pas la race, ce n'est pas la culture, c'est parce qu'on a un sauveur. Notre cœur a été régénéré, on est né de nouveau, on aime Jésus. Et ça, c'est au-delà des races, des sexes ou whatever, de notre statut social. C'est ça la communion fraternelle, c'est une unité profonde. Et ça se pratique, puis c'était au milieu des rassemblements, ça teintait tout le rassemblement. La fraction du pain, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Il y en a qui pensent ici que c'était les repas, vu qu'ils étaient à Jérusalem, plusieurs de l'extérieur, donc il fallait qu'ils organisent des repas. Et donc, ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Pour certains, c'est vraiment plus des espèces de repas communautaires, là. Potluck, quelque chose comme ça. Puis, sauf que, je ne crois pas, pour différentes raisons, mais rapidement, c'est que le mot « fraction du pain » dans l'Écriture, il est employé ailleurs, fait vraiment référence au repas du Seigneur. Un. Deux, puisque c'est au milieu des pratiques, des rassemblements, du culte, je crois que ça fait vraiment référence au repas du Seigneur. Et trois, ben, ailleurs dans l'Écriture, on voit comment le repas du Seigneur est central dans les rassemblements. Donc, ces gens-là viennent ensemble et prenaient les éléments parce que Jésus l'avait dit, « Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Alors, ils prennent un temps pour prendre le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour eux, le fruit de la vigne qui représente son sang. Et en commune union, en communion, ils fixent leur regard sur Jésus et se réjouissent de toutes les bénédictions, les privilèges, les provisions qu'ils ont en Jésus. Vous savez, le repas du Seigneur est important et nous permet de faire, en fait, ce que toute l'Écriture nous dit de faire. Dans Hébreux 12, on nous dit « Ayez les regards sur Jésus ». Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, le fils de David, etc. Souviens-toi de Jésus. » Quand on lit toute l'Écriture, elle est centrée puis nous amène les yeux vers Jésus. Puis pour Dieu, là, c'est tellement important que, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait plein de rites, rituels, symboles, d'espèces de protocoles pour purifier des choses, etc. Dieu, il y avait des fêtes. Dieu a tout mis ça de côté parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et pour la Nouvelle Alliance, il a laissé 2 ordonnances ou 2 symboles seulement. Le baptême qui est fait une fois à l'introduction, l'initiation à la vie chrétienne, et le repas du Seigneur, lui, qu'on pratique régulièrement. Ah, on fête Noël, on fête Pâques, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Écriture ne nous demande pas de faire ça. On peut le faire, pas de problème, mais ça n'a pas l'importance du repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est pas là pour se rappeler notre conversion. Ah, là, je m'arrête. Puis je me rappelle, ah oui, en telle année, je me suis converti. Parce que comme si Jésus avait du sens juste à notre conversion. Moi, je compare le repas du Seigneur à un couple qui est marié depuis plusieurs années, puis qui disent, hey, on prend une petite fin de semaine ensemble? Et là, on part. Bon, on peut parler du fait que quand on s'est marié, mais c'est pour nourrir maintenant notre vie de couple. Et le repas du Seigneur, c'est un temps où on fixe nos regards sur Jésus maintenant, parce que j'en ai besoin maintenant dans ma vie, parce que j'ai besoin de me rappeler qui il est, comment il pardonne, je n'ai pas à garder de poids de culpabilité, je peux me rappeler qu'est-ce qu'il a promis dans ma vie, lui apporter mes soucis, mais me fixer sur lui. Mais en me rappelant, bien sûr, sa mort, parce que tout là, c'est vraiment le point central. Sa mort, il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Sa crucifixion, comment ça est important encore pour nous aujourd'hui, cette mort, cette résurrection. On pose une question de temps en temps. Qui peut prendre le repas du Seigneur? Est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre le repas du Seigneur? Est-ce qu'il faut même être croyant pour prendre le repas du Seigneur? Et c'est une bonne question. Je parlais cette semaine à quelqu'un d'un autre groupe, puis lui me disait que dans leur groupe, c'était open, tout le monde présent pouvait prendre le repas du Seigneur, tout ça. Et maintenant, ici, comme Église, on a réfléchi là-dessus depuis des années. On a comme une certaine balise, je vais prendre le temps de vous le présenter, comment on perçoit les choses. Parce que c'est le rôle quand même, il faut mettre des lignes en quelque part. Et donc, j'aimerais vous présenter peut-être rapidement les lignes que nous, on est arrivés avec l'Écriture. C'est qu'on croit que, comme c'est le cas ici dans le texte, qu'il y a comme une séquence logique et normale. Les gens qui acceptaient la parole étaient d'abord baptisés. Parce que le baptême, c'est la façon d'exprimer qu'on est un croyant. C'est la façon biblique que Dieu a donnée pour l'exprimer. Donc, d'abord, les gens étaient baptisés. Et quand ils étaient baptisés, bon, ensuite, le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et donc, ils venaient, prenaient avec les autres pratiques et prenaient le repas du Seigneur ensemble. Donc, ça, il nous semble que c'est la façon normale, logique de faire les choses. Donc, ce qu'on a tendance à faire ici quand on prend le repas du Seigneur, c'est d'encourager les gens sans nécessairement tout contrôler. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ne le respecteront pas et on ne veut pas nécessairement empêcher ou quoi que ce soit, mais au moins d'être clair. Ça, c'est notre défi, notre rôle, c'est de rappeler aux gens que le repas du Seigneur est pour les croyants et qu'un croyant, normalement, il le manifeste, qu'il est croyant, il manifeste qu'il a cru accepter Jésus par le baptême. Et donc, le repas du Seigneur, on préfère le réserver à ceux qui ont été baptisés. Maintenant, suite à ça, bien, comme je vous dis, on ne commencera pas à faire le tour puis de vérifier, puis d'enlever l'élément à la personne qui n'aurait pas été baptisée ou qu'on n'est pas sûr ou quoi que ce soit. L'important, c'est d'être clair, parce que c'est quand même sérieux, le repas du Seigneur. Il y a des gens dans 1 Corinthiens qui, parce qu'ils avaient pris le repas du Seigneur indignement, il y en a qui étaient malades, infirmes, il y en a même qui étaient morts. C'est sérieux. Et on nous dit qu'il faut vraiment s'examiner soi-même avant de prendre le repas du Seigneur. Donc, on désire, nous, les leaders, vraiment présenter avec sérieux le repas du Seigneur, encourager les gens à être baptisés d'abord, parce que c'est solennel, mais tout en ne mettant pas en place des éléments pour bloquer ou faire un genre de police du repas du Seigneur qui va s'assurer que tout est fait selon ce qu'on pense. On ne peut pas aller jusque-là. Donc, voilà. Alors, on veut s'efforcer quand même de le mentionner autant que possible à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. Maintenant, comme vous avez remarqué, il y a des fois des invités, il y a des personnes qui viennent puis qu'ils ne le feront pas nécessairement. On ne peut pas tout contrôler. Alors, on laisse ça quand même au Seigneur, les parties qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est quand même, voilà, je voulais vous présenter notre position officielle comme conseil à ce niveau-là. Je vais aller tout de suite avec les prières. Donc, persévérer ensuite dans les prières. Dans les prières. Jésus était un homme de prière. Jésus a enseigné sur la prière. Il a enseigné sur la persévérance parce qu'il persévérait dans la prière. Parce que c'est une chose, hein, de prier. Eh bien, ça en est une autre de persévérer dans la prière. Combien de choses on a des fois demandé à Dieu? « Ah, Seigneur, permets que telle chose puisse arriver. » On a oublié ça, puis on n'a jamais prié, puis on n'a jamais ramené ça devant le Seigneur. Bon, c'est pas mauvais, c'est bien de prier, mais de persévérer dans la prière. Eux, ils persévéraient, puis ils persévéraient ensemble, une prière en commun, l'Église. Et donc, c'est important comme Église qu'on puisse pourvoir aussi à des moments de prière en commun. Une église qui ne prie pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train de lire un livre sur la vie de Sarah, j'ai presque terminé. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ce que ça me montre, c'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham et Sarah. Hein? Il allait avoir un enfant. Je pense qu'Abraham avait autour de 75 ans quand la promesse a été faite. Et avant que ça se réalise, il y avait 100 ans, 25 ans. Pendant ce temps-là, donc, il y a une promesse. Et là, on voit Abraham et Sarah qui essaient par toutes sortes de moyens de faire en sorte de pomper pour que la promesse arrive. Hein? Elle envoie sa servante vers Abraham. Ils essayent différentes choses. En fait, tout ce qu'ils font, ça nuit. Ça crée des problèmes plus qu'autre chose. Mais Dieu, dans sa grâce, ne leur en tient pas compte, il a fait une promesse, puis il l'a accomplie, malgré eux. Okay? Et quand tu lis ça, tu te dis, ouais, on est bien mieux que des fois, plutôt de rapidement se mettre en œuvre, arriver avec nos propres plans, dire, Dieu a promis telle chose, là. Comment je peux aider Dieu un petit peu, puis là, on planifie, puis on organise les choses, puis on en met, puis de dire, pourquoi on ne prendra pas plus de temps quand on comprend c'est quoi la vie chrétienne, quand on comprend comment Dieu fonctionne, que c'est lui, car tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Pourquoi on ne prend pas plus de temps à dire, Seigneur, tu as promis telle chose. Veux-tu l'accomplir, Seigneur? Nous comptons sur toi. Entre-temps, veux-tu nous donner de la sagesse? Comment on peut faire? Probablement que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est t'attendre avec patience et grâce et être patient aussi les uns envers les autres. Puis de s'encourager pour persévérer dans l'attente et l'espérance de toi, persévérer dans la foi, beaucoup plus que de commencer à tout organiser, planifier, mettre toutes sortes de plans en place. Il y a place à mettre des plans, on s'entend. Mais beaucoup d'églises sont super pour tout planifier. Beaucoup d'églises sont extraordinaires à l'action, le ventre à terre, ils sont à peu près tout en train de faire des burn-out tellement qu'ils agissent. Puis tellement qu'ils servent le Seigneur. Mais pourtant, tu fais une réunion de prière, on est deux, trois, quatre, et maintenant, je ne veux pas jeter un poids de culpabilité puis une douche, là, sur, parce qu'on peut, prier chez nous, puis parfait. Mais il y a quand même une prière collective dans laquelle ils persévéraient, eux. Et je crois personnellement que nous, comme Église, on a besoin d'apprendre et de développer et d'améliorer. Et il y a présentement dans notre Église des défis très grands. Et notre planification puis nos ressources humaines, je vous le dis, on n'y arrivera pas. Juste nous, là, on n'y arrivera pas. Amenez-nous le meilleur administrateur ici. Amenez-nous ici la personne la plus motivante pour le groupe. Amenez-nous le meilleur enseignant ici. On n'y arrivera pas. Il y a des défis qui sont trop grands pour nous. Est-ce que c'est parce que Dieu a perdu les pédales, il ne sait pas quoi faire? Non, non. Souvent, ce qu'il veut, c'est si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je... Il m'en manque un, là. C'est avec l'ange. Hein? Avant, je l'avais comme ça. Pardonnez-moi. Mais c'est Dieu qui fait la différence. Alors, eux, ils persévéraient dans la prière. Quels sont les effets? En terminant, verset 43. J'aime ça. La crainte s'emparait de beaucoup. La crainte s'emparait de beaucoup et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Sûrement que la crainte, le fait que les apôtres faisaient beaucoup de miracles, de prodiges, c'était une des raisons pour laquelle les gens avaient la crainte. Qui avait la crainte? Est-ce que c'était les gens de l'intérieur ou les gens de l'extérieur? Probablement les deux. Mais il y avait une crainte. Vous savez, quand le peuple de Dieu prend Dieu au sérieux, prend la parole de Dieu au sérieux, prend l'obéissance au sérieux, se réunissent, sont unis, vivent en communion, servent Dieu, il se passe quelque chose. Et les gens disent, oh, Dieu existe. Dieu, il faut le prendre au sérieux. Eux le prennent au sérieux. Et il y a une crainte de Dieu qui se développe. Et en même temps, pensez pas qu'il était parfait. Vous allez dire, ah, j'aimerais tellement retourner aux actes des apôtres, moi. On a perdu plein de choses. Eux l'avaient, c'était merveilleux, tout ça. En fait, vous en pas. Continuez à lire actes, là. Il y avait des problèmes comme on en a. Eux autres aussi, à l'intérieur, il y a eu des divisions. Il y a des gens qui ont menti. Ananias, l'histoire d'Ananias et Saphira, chapitre 5 ou chapitre 6. Ils commencent à chialer, murmurer les uns contre les autres parce que les distributions ne se faisaient pas selon qu'ils voulaient, puis etc. Alors, il est pareil comme nous autres. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'époque, puis ce n'est pas les gens, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu a choisi de travailler avec des gens comme eux, imparfaits, puis comme nous, imparfaits. Mais la crainte de Dieu. Verset 47, deuxième effet, faveur auprès du peuple. Ils louaient Dieu, donc, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. L'idée, c'est qu'il y avait la faveur du peuple. Les peuples, les gens autour les regardaient, ces chrétiens-là, parce qu'ils étaient dans le temple chaque jour, donc ils se réunissaient, c'était visible, les gens les voyaient, tout ça. Puis les gens les louaient, ils disaient, waouh, ils ont une bonne réputation, ces personnes-là. Puis... Et il y avait la croissance au verset 47. Trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Croissance. C'est intéressant. Ils sont d'abord centrés sur l'intérieur. Prendre soin les uns des autres, prendre soin des nouveaux disciples, prendre soin des besoins financiers des uns des autres, vivre dans l'unité, dans l'amour, etc. Ça a une répercussion sur l'extérieur. Tu sais, quand on dit, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie Dieu le jour où il les visitera, bien nous, on comprend ça aujourd'hui avec les bonnes œuvres. Bien, il faut se mettre le ventre à terre puis faire plein d'activités dans le monde, faire des repas communautaires, prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, aller dans les prisons, tout ça. Je pense qu'il y a une place pour ça. Mais je pense qu'on est rendu à l'autre bout du balancier, là. Je pense que l'Église, une Église qui intérieurement joue son rôle, mais le joue publiquement aussi. Là, il n'était pas dans un lieu secret, dans une caverne en quelque part où personne ne voyait. Mais les gens, là, ce qui les impressionne, le genre d'œuvre que la Bible parle qui va influencer les gens autour de nous, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est l'unité, c'est notre sérieux de la parole de Dieu, c'est notre sérieux d'obéir à ce que Dieu a demandé. Ça, là, les gens ne voient pas ça souvent. Maintenant, de nourrir les pauvres, puis d'aller faire le ménage chez les gens qui ont besoin autour de nous, c'est très bien, absolument, mais ça, il y a plein de gens qui en font. Mais une église qui prêche, qui vit, qui annonce Jésus, qui aime Jésus, pas beaucoup de gens voient ça. Puis des fois, on veut tellement pas trop en mettre que même ils ne voient pas du tout, parce qu'on est rendu, qu'on fait des compromis dans ces choses de base. Je termine juste en disant, je sais que ça fait deux fois que je termine, là, mais quelqu'un pourrait prendre ça et dire, « Yes, voilà la clé. » La clé, là, ici, c'est que si on vit comme Église ce que Dieu veut, automatiquement, les gens de l'extérieur vont nous aimer, vont nous trouver extraordinaires, puis ils vont tous vouloir se convertir. Puis le Seigneur va ajouter, c'est comme ça que vient la croissance. Donc, voici la recette, point 1, 2, 3, 4, 5, et extraordinaire, ça y est, on est parti, puis on va revivre les actes des apôtres. Bien, je mettrai un petit bémol là-dessus, OK? Oui, on peut avoir la faveur des gens, comme eux avaient, mais c'est pas long que tout de suite, le chapitre après, ils sont persécutés, Pierre et Jean se font arrêter. Et on arrive au chapitre 8, puis ils doivent fuir Jérusalem parce qu'il y a une persécution énorme contre l'Église. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Okay? Ça se peut que même des fois, en nous calomniant, ils remarquent nos bonnes œuvres, puis ils vont glorifier Dieu le jour où ils les visitent. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde va toujours nous apprécier puis que ça va être extraordinaire. Il y a eu des gros moments de persécution. Et je ne vais pas être un prophète de malheur, mais il me semble que comme je vois les choses s'en aller au Québec, je ne suis pas sûr que les prochaines années vont être très roses pour nous. Même si on joue notre rôle. Et de dire la croissance va venir à tout coup, bien, il y a des gens qui ont joué leur rôle, puis la croissance n'est pas toujours venue. J'aime Pierre, quand il dit les Juifs posent la question, « Frère, que ferons-nous? » Bien, il dit, « Repentez-vous, et chacun vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis c'est pour vous et pour tous ceux, au loin ou au près, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Moi, je ne sais pas le nombre, puis Pierre ne le savait pas non plus. Et je ne suis pas du genre à mettre, hey, on veut 53 conversions l'année prochaine. Non, en aussi grand nombre que le Seigneur les enverra, les convertira, nous jouons notre rôle. Les chiffres, les résultats, les statistiques, laissons ça au Seigneur vraiment. Mais, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Jésus. C'est ce que Pierre dit, dernier verset. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La clé, s'approcher de Jésus et on va s'approcher les uns des autres. Prions en terminant. Je vous invite à prier fort là où vous êtes pendant que les musiciens s'avancent.